Thank you.

Thank you. Thank you.

Thank you. Ouais, je crois que je vais arrêter, tiens, j'en ai marre. J'ai sorti la Fatless, ça faisait longtemps.